Chapitre 10. Comment périt l'insulaire à Daman. Le dîner fut très gai. Holmes, lorsqu'il le voulait, était un causeur charmant, et ce soir-là, il le voulut bien. Il semblait sous l'influence d'une sorte d'excitation nerveuse, et je ne l'avais jamais vu aussi brillant, passant rapidement d'un sujet à un autre, des représentations des miracles au Moyen-Âge à la fabrication de la poterie à la même époque, des violons de Stradivarius au culte de Bouddha dans l'île de Ceylan, ou aux cuirassés de l'avenir, et émettant sur chaque chose des théories spéciales qui témoignaient des études particulières qu'il avait faites. Cette belle humeur provenait de la réaction qui s'opérait en lui après l'abattement si complet des jours précédents. Athelney Jones, de son côté, prouva qu'en dehors de ses fonctions, il savait être un agréable compagnon, et savoura le dîner tout à fait en bon vivant. Quant à moi, je me sentais profondément heureux, en pensant que nous touchions au but, et la gaieté de Holmes rejaillissait sur moi. Cependant, pendant le repas, personne ne fit allusion aux événements qui nous réunissaient d'une façon aussi imprévue. Lorsque le couvert fut enlevé, Holmes regarda sa montre et remplit 3 verres de porto. « Une dernière rasade, dit-il, au succès de notre petite expédition. Et maintenant, il est grand temps de partir. Avez-vous un revolver, Watson ? J'ai chez moi mon vieux revolver d'ordonnance. Vous feriez bien de le prendre, alors, car il faut tout prévoir. J'avais commandé un fiacre pour 6h30. Il nous attend. » Il était 7 heures passées lorsque nous atteignîmes l'embarcadère de Westminster, où se trouvait déjà la chaloupe que nous avions demandée. Holmes l'examina en connaisseur. « Y a-t-il quelques signes qui dénotent que ce bateau appartient à la police ?»« Oui, cette lanterne verte sur le bordage. Enlevez-la alors. » Cette précaution prise, nous nous embarquâmes pour démarrer aussitôt. Jones, Holmes et moi, nous étions assis à l'arrière. Un homme se trouvait au gouvernail, un autre surveillait la machine, et deux seuls agents se tenaient à l'avant. « Où allons-nous ? » demanda Jones. « À la tour. Dites-leur de stopper en face des chantiers de Jacobson. » Notre embarcation marchait on ne peut mieux. Nous filions comme des flèches, laissant derrière nous les nombreuses gabarres qui, ralenties par les lourdes charges qu'elles portaient, paraissaient rester immobiles. Holmes eut un sourire satisfait en nous voyant dépasser facilement un des vapeurs faisant le service sur la rivière. « Je crois que nous pourrions battre à la course tous les bateaux de la Tamise, » dit-il. « Tous, » répondis-je, « c'est beaucoup dire, mais il y en a certainement guère qui puissent lutter avec nous. » C'est que nous allons avoir à donner la chasse à l'Aurora. Et elle a la réputation d'être un clipper de premier ordre. Mais il faut maintenant que je vous dise où en sont nos affaires, Watson. Vous vous souvenez combien j'étais agacé de me voir arrêté par un contretemps stupide, parfaitement. Eh bien, j'ai donné à mon esprit le repos qui lui était nécessaire en me plongeant dans une analyse chimique. Un de nos grands hommes d'État n'a-t-il pas dit que la meilleure façon de se reposer était de changer la nature de ses occupations ? C'est parfaitement exact. Aussi, lorsque j'eus réussi à liquéfier mon hydrocarbure, je revins au problème des Choletos et j'y réfléchis à nouveau. Nos gamins avaient parcouru toute la rivière sans résultat. La chaloupe n'était amarrée à aucun embarcadère, à aucun ponton, et cependant, elle n'était pas de retour. Je ne pouvais croire qu'ils l'eussent coulée pour mieux dissimuler leurs traces, quoique je gardasse cette hypothèse en réserve, pour le cas où toutes les autres viendraient à me faire faillite. Je savais en effet que ce Small était doué d'une espèce de malice grossière, mais je ne le croyais pas capable d'une ruse pareille. Il aurait fallu pour cela qu'il fût d'un niveau intellectuel plus relevé. Mais, pensais-je, nous savons qu'il était à Londres depuis longtemps déjà, puisqu'il exerçait sur Pondichéry Lodge une surveillance incessante. Il ne pouvait donc, selon toute probabilité, partir brusquement sans mettre ordre à ses affaires, ce qui a toujours bien dû lui demander au moins une journée. « Je ne trouve pas votre raisonnement très juste. » Interrompis-je. « N'est-il pas bien plus probable qu'il ait arrangé toutes ses affaires avant de s'embarquer dans son expédition ?»« Non, je ne le pense pas. » Il devait s'être ménagé une retraite assurée, en cas de besoin, et évidemment, il ne l'abandonnerait que quand il serait certain que tout danger était écarté. Mais une autre considération me frappa. Jonathan Small s'était certainement rendu compte combien l'extérieur étrange de son compagnon, de quelque façon qu'il l'eût déguisé, avait dû éveiller l'attention autour de lui. Il était bien assez fin pour voir que si la présence de ce phénomène était signalée à Norwood, elle mettrait évidemment sur leurs traces. Aussi, ayant quitté le repère qu'il s'était choisi à la faveur de la nuit, c'est aussi pendant qu'il ferait encore nuit qu'il voulait y rentrer. Or, d'après le témoignage de Mrs. Smith, il était 3 heures passées quand il vit héler le bateau. 1 heure plus tard environ, le jour allait se lever et les passants commenceraient à circuler. J'en conclus qu'ils n'avaient pas dû aller bien loin. Ils auront payé largement le silence de Smith et auront gardé sa chaloupe pour le moment où ils pourraient fuir définitivement. Puis, ils sont rentrés chez eux aussitôt que possible, emportant le trésor et comptant, 1 jour ou 2 plus tard, après avoir vu ce que diraient les journaux et s'être assuré qu'on ne les soupçonnait pas, comptant, dis-je, profiter de la nuit pour rejoindre, soit à Gravesend, soit dans l'estuaire de la Tamise, quelques navires sur lesquels ils avaient déjà retenu leur passage pour l'Amérique ou bien les colonies. Mais le bateau de Smith, ils n'ont pas pu l'emporter chez eux comme le trésor. Très juste. Aussi, j'étais convaincu que, quoique introuvable, cette chaloupe ne devait pas être bien loin. Je me mis alors à la place de Small, et je me demandais quel raisonnement un homme comme lui avait bien pu tenir. Sans doute, il avait pensé qu'en renvoyant le bateau chez son propriétaire, ou en l'amarrant à un embarcadère, il donnait trop beau jeu à la police, dans le cas où elle serait sur ses traces. Il lui fallait donc le cacher, et en même temps l'avoir sous la main. Comment cela ? Qu'aurais-je fait si j'avais été dans sa peau ? Une autre solution s'offrit à mon esprit. J'aurais confié la chaloupe à quelques constructeurs de bateaux sous prétexte d'un léger changement à y faire. Je l'aurais ainsi amenée dans un chantier où elle aurait été parfaitement dissimulée et d'où cependant j'aurais pu en quelques heures, si besoin était, l'avoir de nouveau à ma disposition. C'est très simple, en effet. Ce sont précisément les choses les plus simples qu'on est exposé à négliger. Quoi qu'il en soit, je résolus de partir de cette donnée. Je me mis aussitôt en campagne, déguisé en marin, et je commençai à parcourir tous les chantiers de la rivière. J'en fis 15 sans aucun résultat, mais au 16e, à celui de Jacobson, j'appris que l'Aurora lui avait été confiée 2 jours auparavant par un homme avec une jambe de bois qu'il avait chargé de changer quelque chose au gouvernail. « Et il n'y a rien à faire à ce gouvernail, me dit le contremaître. Tenez, le voilà là-bas, avec ses 2 raies rouges. » Au même moment que vis-je arriver, Mordecai Smith lui-même, l'introuvable Mordecai. Je n'aurais évidemment pas su que c'était lui, mais il était fortement sous l'influence de l'alcool. Il se mit à hurler son nom ainsi que celui de son bateau. « Il me le faut pour ce soir à 8 heures, » criait-il, « à 8 heures précises, vous entendez ? Car j'ai affaire à 2 particuliers qui n'aiment pas attendre. » On l'avait évidemment largement payé, et il paraissait avoir de l'argent plein les poches, distribuant des shillings à tous les ouvriers autour de lui. Je le suivis à quelque distance, jusqu'à ce que je le vis entrer dans une brasserie. Je revins alors au chantier, et ayant rencontré en chemin un de mes gamins, je le plaçai en sentinelle près de la chaloupe en lui donnant consigne de rester au bord de la rivière et d'agiter son mouchoir dès que l'Aurora se mettrait en route. Pour nous, nous allons nous maintenir au milieu du fleuve et ce serait bien du malheur si nous n'empoignions pas les assassins, le trésor et le reste. Tout cela est fort bien combiné, dit Jones, que ces gens-là soient les vrais coupables ou non. Mais si j'avais à en diriger l'affaire, j'aurais placé mes hommes dans le chantier de Jacobson et j'aurais empoigné mes individus dès qu'ils auraient reparu. « Et il n'aurait jamais reparu, » reprit Holmes. « Ce Small est trop malin. Il enverra certainement quelqu'un en éclaireur, et au moindre soupçon, il se tairait de nouveau pour 1 semaine au moins. »« Mais vous auriez pu filer Mordecai Smith et dénicher ainsi leur repère, » dis-je. « Oh, j'aurais bien perdu mon temps. Il y a 100 pariés contre 1 que Smith ne sait pas où il perche. Tant qu'il aura de quoi boire et qu'il sera bien payé, que lui importe le reste. Les autres doivent se contenter de lui envoyer leurs instructions. Non, non. » J'ai bien tout pesé, et le parti que j'ai pris est le meilleur. » Pendant que cette conversation avait lieu, nous avions passé successivement sous les nombreux ponts jetés sur la Tamise. Lorsque nous arrivâmes à hauteur de la cité, les derniers rayons du soleil faisaient étinceler la croix qui domine Saint-Paul, et avant d'atteindre la tour, l'obscurité était déjà profonde. « Voici le chantier de Jacobson, » dit Holmes en nous montrant une forêt de mâts et de cordages sur la rive de Surrey. Croisons lentement de long en large à l'abri de ces bateaux pleins de sable. » Il tira une lorgnette de sa poche et examina le rivage. « Ma sentinelle est à son poste, » dit-il, « mais elle n'agite pas son mouchoir. Si nous descendions un peu le fleuve et que nous stoppions là pour les attendre, » dit Jones avec animation. Nous étions tous très excités, jusqu'aux agents et aux bateliers qui n'avaient cependant qu'une vague idée du but de notre expédition. « Nous n'avons le droit de ne rien préjuger, » répondit Holmes. « Il y a 10 chances contre 1 pour qu'ils descendent la rivière, mais nous n'en sommes pas certains. D'ici, nous pouvons surveiller l'entrée du chantier tout en étant assez bien dissimulés. La nuit sera plutôt claire. Il faut donc rester où nous sommes. Regardez-moi tous ces gens qui grouillent là-bas, à la lueur des becs de gaz. Ils viennent de terminer leur travail dans le chantier. Quelque misérable qu'ils soient, chacun d'eux renferme en lui une parcelle de l'éternelle flamme. Qui le dirait, en les voyant? Comme cela paraît improbable. Ah, l'homme est vraiment une énigme bien singulière. Quelqu'un l'a défini, une âme renfermée dans l'enveloppe d'un animal, suggérai-je. Winwood Reed dit d'excellentes choses à ce sujet, reprit Holmes. Il nous explique que si l'homme, pris individuellement, demeure un problème insoluble, une réunion d'hommes, au contraire, nous offre des données d'une certitude mathématique. Ainsi, par exemple, vous ne pouvez savoir d'avance comment, dans un cas donné, se comportera un homme isolé, tandis que vous pouvez préciser d'une façon certaine comment agira un groupe d'hommes dans les mêmes circonstances. La statistique le prouve, les individus varient, les moyennes restent invariables. Mais il me semble apercevoir un mouchoir. Certainement, on agite quelque chose de blanc là-bas. « C'est votre gamin, » m'écriai-je, « je le vois distinctement. »« Et voici l'aurora, » s'exclama Jones, « elle file comme le vent. » Chauffez, mécanicien, chauffez à toute vapeur et rattrapons cette chaloupe qui porte un fanal jaune. Si jamais elle venait à nous échapper, par l'enfer, je ne me le pardonnerai jamais. L'aurora avait glissé inaperçue dans la rivière et s'était faufilée derrière deux ou trois petites embarcations de façon qu'elle avait déjà presque atteint sa vitesse entière au moment où nous la vîmes. Elle semblait voler en descendant le courant et longer la rive en marchant d'un train insensé. Jones l'examina attentivement et secoua la tête. « Elle file joliment bien, » dit-il. « Je ne sais si nous pourrons l'atteindre. »« Il le faut, » s'écria Holmes en grinçant des dents. « Il le faut. À toute vapeur, chauffeur. Donnez tout ce que vous pourrez. Dussions-nous brûler le bateau. Il faut que nous les rattrapions. » La chasse était commencée. Les chaudières de l'aurora ronflaient bruyamment, et ses puissantes machines sifflaient et résonnaient comme pour donner passage à la respiration du géant de métal. Sa proue effilée coupait les eaux calmes de la rivière, et les rejetait en deux grosses vagues à droite et à gauche. Pour nous, nous bondissions derrière elle, fortement secoués par chaque effort que faisait notre embarcation. Un puissant fanal fixe à l'avant projetait sa lumière jaunâtre devant nous. Une large tache sombre nous indiquait l'aurora, tandis que les tourbillons d'écume laissés par elle dans son sillage témoignaient de la vitesse à laquelle elle marchait. Notre bateau, lancé comme une flèche, dépassait successivement les barques, les vapeurs, les navires marchands, se glissant derrière les uns, contournant les autres. Des voix nous hélaient dans l'obscurité, mais l'aurora filait toujours et nous ne quittions pas sa trace. « Du charbon, du charbon !» cria Holmes en jetant un regard dans la chambre des machines, tandis que la lueur du foyer, se reflétant sur sa figure anxieuse, accusait le relief de ses traits énergiques. « Faites éclater la chaudière s'il le faut !» « Je crois que nous gagnons un peu sur elle, » dit Jones, l'œil rivé sur l'aurora. « Et moi j'en suis sûr, » criai-je, « nous allons la rejoindre dans quelques minutes. » Au même moment, la malchance voulut qu'un remorqueur avec trois barques derrière lui se mit à traverser la rivière devant nous. Il fallut mettre toute la barre de côté pour éviter une collision, et avant que nous eussions pu reprendre notre route, l'aurora avait bien gagné 200 mètres. Nous ne l'avions cependant pas perdue de vue. Au crépuscule sombre et incertain avait succédé une nuit claire et étoilée. Nos chaudières donnaient tout ce qu'elles pouvaient et leurs minces enveloppes vibraient et craquaient comme si elles avaient participé à notre excitation. Nous avions dépassé le bassin de Radoub, les docks de la Compagnie des Indes, les quais interminables de Deptford, et nous avions même doublé l'île des Chiens. La tache sombre qui fuyait devant nous revêtait maintenant des contours mieux définis et nous pouvions distinguer nettement la silhouette élégante de l'aurora. Jones avait dirigé sur elle la lumière du fanal. Nous pûmes voir les personnages qui occupaient le pont. Un homme était assis à l'arrière et se penchait sur un objet noir placé entre ses jambes. À côté de lui gisait une masse sombre qu'on aurait pu prendre pour un chien de Terre-Neuve. Un gamin tenait la barre, tandis que les reflets rougeâtres du foyer me permettaient d'apercevoir le vieux Smith, nu jusqu'à la ceinture et entassant charbon sur charbon pour triompher enfin dans cette course où des vies humaines se trouvaient être l'enjeu. Au début, les passagers de l'aurora avaient pu se demander si vraiment nous étions lancés à leur poursuite. Maintenant, ils n'en pouvaient plus douter, tant nous suivions exactement leur tour et leur détour. À Greenwich, 300 mètres nous séparaient d'eux. À Blackwell, il n'y en avait plus que 250. J'ai forcé bien des animaux et dans bien des pays divers au cours de mon aventureuse carrière. Mais jamais sport ne m'a fait éprouver d'aussi violentes palpitations que cette chasse insensée à l'homme se déroulant ainsi au milieu de la Tamise. Peu à peu, mètre par mètre, nous gagnions du terrain. Dans le silence de la nuit, on entendait distinctement ronfler et craquer la machine de l'Aurora. L'homme de l'arrière se tenait toujours penché et semblait faire quelque chose avec ses mains, tandis que de minute en minute, il levait les yeux pour mesurer du regard la distance qui les séparait encore de nous. Nous nous rapprochions de plus en plus. Jones héla les fugitifs et les somma de stopper. Les deux bateaux volaient à une allure vertigineuse, et il n'y avait guère plus de 4 longueurs entre eux. Maintenant, la rivière s'étendait libre devant nous. Nous étions entre la levée de Borking d'un côté et les tristes marais de Plumstead de l'autre. À l'injonction de Jones, l'homme de l'arrière se redressa et, nous menaçant de ses 2 poings crispés, nous envoya de sa grosse voix enrouée une bordée de malédictions. Il paraissait grand et vigoureux, et tandis qu'il se tenait ainsi debout, les jambes écartées, je pus voir qu'à droite il n'avait qu'une jambe de bois. Aux exclamations furieuses qu'il poussait, le paquet qui gisait sur le pont s'agita, et j'aperçus alors la silhouette d'un petit homme noir, le plus petit que j'aie jamais vu, avec une grosse tête difforme surmontée d'une épaisse chevelure en broussailles. Holmes avait déjà tiré son revolver, et je saisis le mien, à l'aspect de cet être sauvage et difforme. Il était enveloppé dans un grand manteau ou dans une couverture de couleur sombre qui ne laissait voir que sa figure. Mais quelle figure ! Jamais des traits humains n'ont pu exprimer à ce point la bestialité et la cruauté. Ses petits yeux brillaient, éclairés d'un feu sombre, et ses lèvres épaisses s'entr'ouvraient dans une horrible grimace, tandis qu'il grinçait et claquait des dents, comme l'aurait fait un animal féroce. « Faites feu, si vous les voyez lever la main !» me dit Holmes, sans se départir de son sang-froid. Nous n'étions plus alors qu'à une longueur du bateau, et nous touchions presque nos ennemis. Je les vois encore tous les deux, comme ils m'apparaissaient alors à la lueur du fanal. L'Européen, debout, les jambes écartées, vomissant des imprécations, le nain avec sa face hideuse, son aspect sauvage, nous montrant dans sa fureur ses grosses dents jaunâtres. Ce fut fort heureux pour nous de les apercevoir aussi distinctement, car à ce moment, le nain prit sous son manteau un morceau de bois court et arrondi de la taille d'une règle, et le porta à ses lèvres. Nos revolvers partirent en même temps. Il tourna sur lui-même, leva ses bras au ciel, et avec une sorte de hoquet rauque, tomba dans le fleuve. J'aperçus un instant, au milieu d'un tourbillon d'écume, ses yeux venimeux et encore menaçants, puis plus rien. Au même moment, l'homme à la jambe de bois se jeta sur la barre, et la mettant toute de côté, fit tourner brusquement la chaloupe dans la direction de la rive sud, tandis qu'emportés par notre course, nous rasions sa poupe et la dépassions. Nous virâmes en quelques secondes, mais déjà l'Aurora abordait le rivage. C'était un endroit sauvage et désolé, un vaste marais où la lune faisait scintiller les flaques d'eau stagnantes, ne montrant aux alentours que quelques plantes à moitié pourries. La chaloupe, avec un bruit sourd, donna de la proue contre la rive, l'avant se dressant en l'air, tandis que l'arrière restait à hauteur de l'eau. Le fugitif sauta à terre, mais sa jambe de bois s'enfonça tout entière dans ce terrain marécageux. En vain multipliait-il ses efforts, en vain se tordait-il sur le sol. Il ne pouvait ni avancer ni reculer. En constatant son impuissance, il se mit à pousser des hurlements de rage et faisait aller furieusement son autre pied dans la boue. Mais il n'arriva ainsi qu'à enfoncer plus profondément encore sa jambe de bois dans cette boue collante. Lorsque notre bateau vint ranger l'autre, nous fûmes obligés de lui jeter un bout de filin, et encore ne put-il s'en tirer qu'en enroulant le câble sous ses épaules, ce qui nous permit de le hisser à notre bord comme quelque poisson vomi par l'enfer. Les deux Smith, père et fils, étaient restés assis sur leur pont, les rabattus. Sur notre ordre, ils ne firent aucune difficulté pour venir nous rejoindre. Nous amarrâmes l'Aurora pour la prendre à la remorque. Sur le pont se voyait un solide coffre en fer travaillé à la mode indienne. C'était évidemment celui qui renfermait le fatal trésor des Sholto, mais la clé manquait. Son poids était considérable. Nous le transportâmes dans notre petite cabine, puis nous nous mîmes à remonter lentement le fleuve en projetant de tous côtés la lueur de notre fanal, sans cependant apercevoir aucune trace du petit Adaman. La Tamise devait retenir dans quelques-unes de ses sombres profondeurs le cadavre de son étrange visiteur. « Regardez donc, » dit Holmes, en nous montrant un panneau de notre chaloupe, « il n'était que temps de tirer. » Derrière l'endroit où nous étions tenus, je vis enfoncer dans le bois un de ces petits dards, dont nous ne connaissions que trop bien les effets meurtriers. Il avait dû passer juste entre nous deux au moment où nous avions fait feu. Holmes sourit en le regardant et haussa les épaules de l'air indifférent qui lui était habituel. Mais pour moi, j'avoue que je faillis me trouver mal, en pensant de combien peu nous venions d'échapper à une mort épouvantable.